Ok. Par des épreuves, j'apprends à vivre avec. Le chemin est long dans cette vie-là, et je vais grandir avec le cœur balafré. Mauvais ou bon souvenir, ça reste gravé. Les cicatrices resteront à jamais agrafées. Parce que le temps passe et que c'est de plus en plus dur. Chaque mes aventures me donnent de plus en plus de fil à retordre. Chaque nouvelle blessure, chaque nouvelle morsure de la vie m'emmène au bout du bout du bout de la corde. Je perds espoir, l'espoir que la roue tourne. Pour l'instant, elle est bloquée, et c'est moi qui tourne autour. Je cherche le bonheur désespérément, même si je sais que je serai malheureux toute ma life à cause de maman. On n'oublie pas quelqu'un, on s'habitue à son absence. Les coups bas de la vie, je ne les vis pas comme une renaissance. Non, parce que je n'ai plus la force, plus la forme, je te l'affirme. Dans ma solitude, mec, je me renferme. Ouh, et j'espère de meilleurs lendemains. Malheureusement, j'ai pas les cartes en main. Pour l'avenir, je veux viser plus loin que le destin. Me mettre sur un autre chemin. Je regarde vers l'horizon. Vers l'horizon. Je regarde vers l'horizon. Vers l'horizon. Et je regarde. Vers l'horizon, et j'espère un futur plus radieux. Je n'y crois pas, mais quand je vais mal, pourtant j'implore Dieu. Les yeux orientés vers le ciel, j'espère de meilleurs lendemains avant de retrouver Gabriel. J'avais des rêves plein la tête et ils n'ont pas changé. J'ai cru m'en approcher pour certains, je me suis planté. Pas grave, je commence à prendre l'habitude. Le sentiment de plénitude n'est qu'une connerie, voilà ma certitude. Prendre de l'altitude, partir loin, viser la lune, m'accrocher aux étoiles, voilà mon but. Devenir quelqu'un, un homme bien, heureux de vivre, ivre de bonheur, vivre mes rêves et pas survivre. Je rêve d'être avec la femme que j'aime et faire d'elle une princesse. Qu'on soit fou l'un de l'autre et lui faire des petits gosses, j'espère. Et je rêve d'un avenir meilleur pour mon frère, moi et tous les gens que j'ai dans mon cœur. Yeah. Et j'espère de meilleurs lendemains. Malheureusement, j'ai pas les cartes en main. Pour l'avenir, je veux viser plus loin que le destin. Me mettre sur un autre chemin. Yeah. Je regarde vers l'horizon. Vers l'horizon. Je regarde vers l'horizon. Vers l'horizon. Et je regarde. Je regarde, vers l'horizon. Pour l'instant, mon avenir s'écrit en pointillé. Et j'avance tout doucement sur la pointe des pieds. J'ai le souhait de journées plus ensoleillées. Et j'ai le rêve de nuits beaucoup plus étoilées. Je marche sur la route de la vie, mais je ne sais pas où je vais. Un peu paumé comme si je marchais dans la nuit. Plus j'avance et plus le chemin se rétrécit. Je perds mon souffle et plus ma vision s'obscurcit. Parce que je regarde vers l'horizon, mais je vois que dalle au final. Parce que mon pote rêvait d'une vie qu'on n'a pas, ça fait mal. Je suis enfermé dans la prison du passé. Je suis monté, je vais retomber comme en taper les pots cassés. Parce que le bonheur n'est qu'illusion. Quand j'en parle, j'en fais qu'allusion. Juste une simple envie de plus dans le caisson. Et je rêve de retourner sur ma planète avec mon ange. Dans le fond, je rêve que ma vie change. Yeah. Et j'espère de meilleurs lendemains. Malheureusement, j'ai pas les cartes en main. Pour l'avenir, je veux viser plus loin que le destin. Me mettre sur un autre chemin. Je regarde vers l'horizon. Vers l'horizon. Je regarde vers l'horizon. Vers l'horizon. Et je regarde. Je regarde, avec le peu d'espoir je regarde que j'ai. Vers l'horizon. Yeah. Scribe. Charlène. Yeah. Parce qu'on espère de meilleurs lendemains. On regarde vers l'horizon. Yeah. Avec le peu d'espoir qu'on a.